said that. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإسلام هذا مجلسنا الثاني حول الخليفة الثاني لهذه الأمة لا وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذي النورين شهيد الدار الرجل الذي كانت تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه فإن الله عز وجل سي نوتر دوزيام اسيز اوتور دو لا في دو لوم دو لوميير لو دوزيام خليفة دو سيت كومينوتي l'assassiné de la maison qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri à Uthman ibn Affan l'homme devant lequel les anges étaient pudiques radiyallahu anhu wa arda wala zinna natakallamu an fadaili dhin nurayn radiyallahu anhu wa arda wa huwa minal ladhina radiyallahu anhum et nous continuons de parler des vertus de ce noble homme. Il fait partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Il est dit dans le verset les premiers parmi les immigrants, c'est-à-dire ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, pour sauver leur religion. Et l'Ansar, leurs alliés qui les ont accueillis à Médine, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Regarde, frère Allah azza wa jal, quand Allah subhanahu wa ta'ala a cité les premiers qui ont quitté la Mecque pour Médine, et les alliés qui les ont accueillis à Médine, il a permis de conditions. Ils rentrent directement dans l'agrément d'Allah. Quant à ceux qui les suivent, il y a la condition. Et la condition, c'est quoi? Pour être dans l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut prendre leur chemin. Il faut les suivre à la perfection. Il faut être sur le même chemin sur lequel ils étaient. Il faut avoir les mêmes croyances qu'ils avaient. Le même comportement. La même compréhension de la religion. pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où la nécessité de se pencher sur la vie de ces nobles hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner son messager alayhi salatu wassalam et pour faire triompher sa religion. Il est obligatoire pour nous de les suivre, de prendre les croyances et d'avoir les croyances qu'ils avaient et d'avoir la même compréhension du livre d'Allah et de la sunna du messager alayhi salatu wassalam qu'ils avaient et d'avoir la même façon de pratiquer cette religion, la façon qu'ils avaient, radiallahu anhum ardahum, pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire dans chacune de nos prières de faire ce dua, et si on ne fait pas ce dua dans notre prière et dans chaque rak'at, notre prière n'a pas eu lieu. Et il dit le sirat al-mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم guide-nous sur la voie, la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de ces bienfaits. Et commence à voir cette voie. Allah subhanahu wa ta'ala te montre cette voie. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et comment on voit Allah subhanahu wa ta'ala qui te la montre dans l'autre verset, parce que la meilleure des interprétations du Coran, c'est par le Coran. Le Coran par la sunna, le Coran par la parole de notre compagnon de Dwan Allah alayhi, et le Coran par la parole de leurs successeurs qui sont tabi'in. Il vient en quatrième position, l'arabe comme outil. Hein? Donc il est obligatoire pour nous de prendre la compréhension de ces nobles compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala te montre le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, et il est bien versé, et ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, ceux-là font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits, qui sont les prophètes. Les vérités. Il n'y a aucun doute que les premiers qui rentrent dans les véridiques après les prophètes alayhi salam, ce sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam. Le plus grand véridique de l'humanité après les prophètes alayhi salam est Abu Bakr Siddiq. Et tous sont véridiques. Radiallahu anhu. Donc les véridiques, les martyrs, et les premiers après les prophètes qui rentrent dans le martyr, ce sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam. Les vertueux, les premiers qui rentrent dans les vertueux après les prophètes alayhi salam, ce sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam. Hein? Donc la voix de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits passe obligatoirement par la voix du noble compagnon Roland. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de connaître leur vie, de se pencher sur leur vie, parce que leur vie, c'est la mise en application de cette religion. Leur vie, c'est pas la vie de n'importe qui, c'est la vie des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour faire triompher sa religion. Et donc, il est obligatoire pour nous, pour être sur une voie droite, sur une voie claire, de connaître ces hommes, connaître leurs croyances, connaître comment ils pratiquaient, etc. Et ceci est obligatoire pour nous. La voie pour être sauvé, pour ne pas faire partie du groupe qui encourt la colère d'Allah et qui encourt le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, porte ce titre. La voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Qui a dit ça? Celui qui ne parle pas de ses propres passions, qui est le messager d'Allah, Azzawajal, le véridique qui n'a dit que la vérité. Donc, c'est obligatoire pour nous de se pencher sur la vie de ces nobles hommes pour voir combien Où sommes-nous de notre religion? Où sommes-nous du fait de faire triompher la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam? Et pour ne pas être un but de soi, quand on voit les sacrifices qu'ils ont fait, moi comment ils ont tout donné pour la religion d'Allah, pour faire triompher le messager d'Allah, ils ont tout délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, Shaitan ne vient pas jouer avec nous quand on met la main à la pâte, comme ils disent, pour contribuer à une œuvre ou à quelque chose, qu'on ne soit pas un but de soi-même. Hein? فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه من مناقبه وفضائله أنه جمع القرآن في حياته رضي الله عنه وارضاه ومن الذين جمعوا بين العلم والعمل رضي الله عنه وارضاه ومن المجتهدين في العبادة رضي الله عنه وارضاه fait partie des vertus de ce noble compagnon, de ce deuxième calife de la communauté qui est Uthman ibn Affan, c'est qu'il a, durant sa vie, il a réuni le Coran. Et que il réunit entre deux choses principales qui sont la science et la mise en application. Il faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Abbas رضي الله عنه وارضاه كما جاء في التفسير عند ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم قال هو رضي الله عنه وارضاه l'exégète du Coran par excellence Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه وارضاه concernant la signification de ce verset, comme il est rapporté par Ibn Kathir, radiyallahu anhu wa arda, wa rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah, il dit, est-ce qu'ils vont être au pied d'égalité, lui et celui qui ordonne le bien, qui ordonne la justice et qui est sur une voie droite. Il a dit, celui-là qui est cité dans le verset, c'est Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda. Qui a dit celui-là? Celui... à quel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait dua, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'interprétation du livre et la jurisprudence de la religion. Wa kana radiyallahu anhu wa arda hafizan li kitabillah wa kana al mushaf la yakadu yufariqu hijrahu radiyallahu anhu wa arda faqila lahu fi dhalik faqala innahu mubarakun ja'a bihi mubarak. Et Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda, était un des mémorisateurs du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et presque le livre d'Allah ne quittait pas ses mains, radiyallahu anhu wa arda. On lui a dit, le livre d'Allah est toujours entre tes mains. Il le lisait souvent. Il lui a dit, c'est un bini qui a été amené par un autre bini. Le Coran est béni, et celui qui l'aura ramené, qui est Muhammad alayhi salatu wassalam, est béni. Radiyallahu anhu wa arda. Wa qala radiyallahu anhu wa arda. Law taharat qulubukum, lama shabi'tum min kalam rabbikum. Hada ja'a fi az-Zuhd ibn Abi 'Asim. Il disait, radiyallahu anhu wa arda, comme il est rapporté dans le livre du Zuhd ibn Abi 'Asim. Si vos cœurs étaient purifiés, vous ne serez jamais rassasiés de la parole de votre souverain. Si vos cœurs étaient purifiés, vous ne serez jamais rassasiés du livre de votre souverain. Wa qala radiyallahu anhu wa arda, hubbiba ilayya min ad-dunya thalath, ishba'u al-ji'an wa kaswatu al-'iryan. وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. Il disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, j'ai aimé de votre pardon trois choses: le fait de donner à manger aux affamés, le fait d'habiller ceux qui n'ont pas d'habit, et la lecture du Coran. Ainsi il était, radiallahu anhu Allah. Ainsi il était, radiallahu anhu Allah. رواه عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلى transmis comme il est rapporté par l'imam Bukhari رحمه الله le hadith qui dit le meilleur parmi vous c'est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Pas tout simplement il l'a transmis, il l'a mis en application. Pas tout simplement il l'a transmis, il l'a mis en application. Uthman ibn Affan, كانت له قدرة عظيمة على التعليم وعلى التوجيه. Il avait, رضي الله عنه وارضاه, une grande capacité pour éduquer, pour l'éducation et pour l'orientation. Et pour orienter les autres. يعتبر من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في القرآن وفي السنة النبوية. Il est considéré comme l'un des plus grands savants parmi les nobles compagnons de Dieu Allah عليه qui concerne la parole d'Allah et la sunna du messager عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاد من علم النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان قادرا على تعليم غيره ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi il était l'un des grands, il était parmi les grands savants des nobles compagnons, parce qu'il a accompagné le messager alayhi salatu wassalam, parce qu'il a profité de la science du prophète alayhi salatu wassalam, et parce qu'il a profité aussi de la voix du messager alayhi salatu wassalam. Et il était capable d'enseigner aux autres ce qu'il a appris du messager alayhi salatu wassalam. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله تعالى وغفر له يحدثنا عن حديث سمعه من عثمان بن عفان فعمل به فعن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلمي أبو عبد الرحمن السلمي كالله سبحانه وتعالى لقري ne parle d'un hadith qu'il a entendu directement du noble compagnon Uthman ibn Affan radiallahu anhu wa arba. Et il l'a mis en application, c'est-à-dire Uthman ibn Affan a transmis le hadith et il l'a mis en application. Saad ibn Ubaïda nous rapporte d'Abi Abdelrahman al-Sulami que Uthman a dit, le meilleur parmi vous, ce sont ceux qui ont appris le Coran, qui l'ont enseigné. قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وغفر له فداك الذي أقعدني مقعدي هذا وكان يعلم الناس القرآن منذ 40 سنة. أبو عبد الرحمن السلمي il a appris chez Uthman ibn Affan. Il a appris ce hadith, le meilleur parmi vous, ce sont ceux qui ont appris le Coran et qui l'ont mis en application. Et comme il a appris chez quelqu'un qui lui a enseigné un hadith et qu'il l'a mis en application, la même chose lui, il s'est installé, mettant en application ce hadith, et ayant pris l'exemple sur Uthman ibn Affan, a enseigné le Coran pendant 40 ans. Radiallahu anhu wa ardahu wa ghafara lah. Ceux-là, ce sont nos exemples, frères en Allah, Azzawajal. Ils étaient ainsi, avec la parole d'Allah, et avec l'authentique de la sunna du messager, alayhi sallatou sallam. Mettez en application. Ils apprenaient la science pour la mise en application. Akhal Islam, idha aratta an takuna min khilati nas. فكن من أهل القرآن تعلما وتعليما. Frère Olama Zawajel, si tu veux être parmi les meilleurs de la communauté et le meilleur de l'humanité, sois un des hommes du Coran. Tu l'apprends, tu l'enseignes. C'est-à-dire, tu l'apprends, tu le mets en application, tu l'enseignes. Pour être parmi les plus nobles et parmi les meilleurs de la communauté humaine. وها هو رضي الله عنه وارضاه يعلم دعا يوما بماء فتوضأ امام الناس ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه الإمام البخاري والإمام مسلم Voici maintenant comment il enseigne directement par la mise en pratique devant ceux qui se sont trouvés devant lui. Un jour il a demandé de l'eau. Il a fait le dos devant les gens. Il leur a dit, il leur a transmis ce qu'il a appris du message. J'ai entendu le messager d'Allah dire celui qui fait l'odo comme je l'ai fait et qui prie d'orkaat sans qu'il soit perturbé dans ses d'orkaat, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera les péchés qui sont passés. C'est-à-dire les petits péchés. Et le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et ce genre de hadith, c'est eux qui ont fait aussi que Cheikh Barramzan, Hafidhahullah Ta'ala, quand il était à la deuxième daura, deuxième séminaire de Tikiwina à Agadir, il a demandé un saut aussi, il a fait le dos devant tout le monde. Hafidhahullah wa ghafarala. Et cela, il met quoi? Il met en application quoi? La sunna. Il met en application quoi? La mise en pratique de ne plus être dans l'alim. Et c'est ce qu'il a fait aussi. La première visite qu'il est venu au Maroc, et après une tournée au Maroc, on est passé par, on est là chez moi. Et ma petite, Mariam, la toute la dernière, vient en courant. Je lui montre la chambre où il va dormir. Et tout d'un coup, il se met à quatre pattes par terre. Dit, Mariam, monte. Elle me dit, non, cher, je ne peux pas monter, non. Monte. Et après, elle me dit, Hassan, fais-la monter. Je la monte. Pourquoi il l'a fait, à ton avis? Une mise en application, ce que faisait le messager, alayhi salatu salam, avec le Hassan al-Hussein. Une fois, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il rentre chez le prophète, alayhi salatu salam, il voit le prophète à quatre pattes et sur son dos, le Hassan ou le Hussein, l'un des deux. Et il dit, quelle belle... Il est belle cette monture. Parlons du dos du messager, alayhi salatu salam. Il dit, mais Rasoul Sallallahu alayhi wasallam répond, plus bon celui qui la monte. Ainsi sont ceux qui suivent la voie de leur plus humble, Allah alayhi. N'importe quel acte, ils le mettent en application. Parce qu'ils cherchent quoi? Celui qui fait revivre ma sunna, c'est qu'il m'aime, et celui qui m'aime sera avec moi au paradis. Donc n'aie pas honte, frère Allah Azza wa Jal, à faire vivre n'importe quel sunnah. Ne dis pas, les gens ils vont me regarder bizarrement. Tu t'en fous. Tu cherches l'agrément d'Allah. Tu cherches à faire vivre un acte que peut-être les gens ont oublié. Hein? Tu cherches à être sur la voie de Tupizer ou de Allah alayhim. Hein? Et nous devons avoir l'audace à agir ainsi. وفي يوم آخر في مجلس آخر دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه بماء فتوضأ أمام الناس ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوء هذا ثم قال ومن توضأ وضوء هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر لهما ما كان بينهما وبين الصبح. ثم صلى صلاة العصر غفر له ما بينهما وبين صلاة الظهر. ثم صلى صلاة المغرب غفر له ما بينهما وبين صلاة العصر. ثم صلى صلاة العشاء غفر له ما بينهما وبين صلاة المغرب. ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء. وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان؟ قال هن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له بإسناد حسن. Une autre fois, ça te prouve que la mise en pratique, le fait d'attirer l'attention sur la sunna du messager alayhi salatu wassalam, les compagnons ne vous préoccupez pas de ça. Hein? Rien ne les arrête à répéter les actes. Parce qu'ils savent que dans le fait de répéter les actes devant les gens, ça s'ancre. Hein? Et ça s'enracine dans la vie des gens. Une autre fois, dans une autre assise, il demande de l'eau. Il fait le dos. Radiallahu anhu arda. Il dit, celui qui fait le même dos que je fais, et c'est le dos du messager alayhi salatu wassalam, il se lève, il fait salat dos. Allah lui pardonne ce qui s'est passé entre Dhuhr et l'Asr. Ici, il fait salat l'Asr, Allah lui pardonne. Ici, il se lève après, il fait salat l'Asr, Allah lui pardonne ce qu'il y a entre Dhuhr et l'Asr. Il se lève, il fait salat l'Maghrib, Allah lui pardonne ce qui s'est passé entre salat l'Maghrib et l'Asr. Il se lève, il fait la prière de l'Isha, Allah lui pardonne ce qui s'est passé entre le Maghreb et l'Isha. Et peut-être il va passer sa nuit à prendre son plaisir avec sa légitime, etc. Et quand il se lève, il refait le dos. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ce qu'il y a entre eux. L'Isha et le Subh. Et ça, ce sont les hasanat avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala efface ses hiyat. Et on lui a dit, ya Uthman, ça c'est le hasanat. C'est quoi le baqiyat, salihat? Le baqiyat, c'est celle qui reste. Il dit, le baqiyat, c'est le fait de dire la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ahunna le baqiyat. هذا أخوكم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. Il y avait aussi l'un des chiouchs qui suivait la voie de Pizer de Allah alayhim qui est la même chose. Passer dans les endroits où les gens font les ablutions et il apprenait aux gens l'ablution du messager alayhi salatu wassalam. Pas qu'on l'appelait le cheikh de l'Odo. Cheikh de l'Odo. Hein? Ne néglige rien de la religion et de la sunna de ton messager alayhi salatu wassalam. Tout est important dans cette religion. Hein? وكان ذي النورين رضي الله عنه وارضاه يحذر الناس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروي هذا الحديث عن جمع كثير من الصحابة وإسناده حسن كما قال أهل الحديث رحمه الله وغفر لهم Et radiyallahu anhu arda, il avertissait contre le fait de mentir sur le messager d'Allah azza wa jal. Il disait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté par l'imam Ahmed, et ce hadith est rapporté par un certain nombre de compagnons, et la chaîne de transmission de ce hadith est bonne, comme l'ont décrété un nombre d'hommes du hadith. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ment sur moi volontairement, qu'il s'attend, hein, qu'il s'assure une maison en enfer. Ainsi ils étaient, ils transmettaient la sunna du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam par la parole et par les actes. Il était ainsi, radiallahu anhu arda, et les autres compagnons aussi. Ils avertissaient contre le fait de mentir sur le messager d'Allah azza wa jal. Kadhalika kana mithalan wa qudwatan fil infaq fi sabilillah. Il était un modèle à suivre dans le fait de dépenser sur le sentier d'Allah azza wa jal. Kana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardah min al aghniya الذين أغناهم الله عز وجل وكان صاحب تجارة وأموال طائلة واستخدم هذه الأموال في طاعة الله عز وجل وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وصار رضي الله عنه وارضاه سباقا لكل خير ينفق في سبيل الله لا يخشى الفقر ومن نفقاته أمثلة كثيرة. من الله عز وجل عثمان بن عفان était parmi les grandes fortunes. Faisait partie de ces gens que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé avec une richesse. Il avait un grand commerce et il avait beaucoup d'argent. Et il a mis cet argent, cette fortune dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherchait avec sa fortune l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accourait vers toutes les portes du bien pour dépenser sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'avait pas peur de la pauvreté. Abadan. Et il nous a donné beaucoup d'exemples concernant la dépense sur le sentier d'Allah. Bi'roma akhal islam. Bi'roma. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن الماء العذب قليل وليس بالمدينة ما يستعذب ماء يستعذب غير بئر روما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما فيجعل ذلوه مع ذلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بعشرين ألف درهم فجعلها للغني والفقير وابن السبيل والحديث عند الترمذي فمن الله عز وجل كنت البروفيت عليه الصلاة والسلام تغيبي أميدين لو دابور مو أبواه إتي غار إلي تي تو سامبلومون دون فيغ لا سورس دو روما هادي لو بوي دو روما. C'est le seul endroit et le seul puits où il y avait là la bonne eau et l'eau potable et une bonne eau à boire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est rapporté par Tirmidhi, qui achète le puits de Roma et qui fait que son seau soit un seau parmi le seau du musulman. C'est-à-dire qu'il prend son tour comme tout le monde pour prendre l'eau. Et il aura mieux que ça au paradis. Celui qui l'achète aura mieux que ça au paradis. Uthman ibn Affan radiallahu anhu l'a acheté 20 000 dirhams et il l'a mis à la disposition du pauvre, du riche et pour le voyageur aussi. Tout le monde peut venir et prendre de l'eau et faire abreuver ses bêtes, etc. radiallahu anhu wa arda. كذلك من إنفاقه في سبيل الله توسعة المسجد النبوي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في partie de sa dépense sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala l'élargissement de la mosquée du prophète عليه السلام à l'époque du messager d'Allah عز وجل ضاق المسجد النبوي بالمصلين ورغب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يشتري بقعة بجانب المسجد لكي تزاد في المسجد حتى يتسع لأهله. À un moment donné, la mosquée du prophète عليه السلام, شوف أخي, vous restez pas la moitié dans le soleil, la moitié à l'ombre. Tous ceux qui sont une partie dans le soleil, une partie dans l'ombre, ou vous sortez complètement au soleil, ou vous allez directement tous à l'ombre, Inch'Allah. Ça, c'est l'endroit de dire Shaitan, Akhi. Enlève-toi de là. Entends. Oui, tu as une partie. Et comme dit Ibn al-Qayyim, Rahimahullah, c'est pas équitable pour ton corps. Une partie qui se chauffe, une partie qui se refroidit. Erja. Quand la mosquée est devenue serrée pour les musulmans, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a incité les croyants et ses nobles compagnons à acheter la terre de telle famille pour la rajouter, élargir la mosquée. Faqala al-Mustafa alayhi salatu wa sallam Man yashtari buq'ata ali fulan fayaziduha fil masjid bi khayrin lahu minha fil jannah. فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه من صلب ماله ثم اضيفت للمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سيلفي الى دي aux gens qui achètent la terre de telle famille pour la rajouter à la mosquée et il aura mieux au paradis. عثمان بن عفان l'a acheté de sa propre fortune et il l'a rajouté à la mosquée. تجهيزه جيش العسرة dont il a alimenté et financé l'armée du temps de la difficulté qui allait combattre les Romains pendant la bataille de Tabouk. عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى غزوة تبوك حتى أغنياء الصحابة عن البذل لتجهيز جيش العسرة الذي عده رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم قال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه مور كنت الرسول صلى الله عليه وسلم a voulu partir à la bataille de Tabouk à un moment très difficile. Il a incité les riches des compagnons à alimenter cette armée qui allait vers Tabouk, cette armée qui allait combattre les Romains. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est rapporté par l'imam Bukhari, qui alimentera et qui achètera, qui donnera le pactage et les armes à l'armée de la difficulté, à l'armée de l'Usra, il aura le paradis. Uthman ibn Affan l'a fait, radiyallahu anhu wa arda. وقال صلى الله عليه وسلم من جهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش العسرة. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما. رواه ابن حبان رحمه الله تعالى والحديث صحه الإمام الألباني رحمه الله عليه في تعليقه على سنن النسائي رحم الله أئمة المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: celui qui financera cette armée cela, c'est-à-dire l'armée du temps de la difficulté, Allah lui pardonnera. عثمان بن عفان l'a dit: j'ai alimenté, et j'ai fait le nécessaire pour cette armée, jusqu'à ce qu'ils aient besoin aucune corde, qu'ils ne manquent même pas d'une corde ou d'une monture. رضي الله عنه وارضاه. وجاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار أخ الإسلام حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن الترمذي. رضي الله عن عثمان وسبحان الذي خلق عثمان. عثمان بن عفان إلى غمني 1000 دينار pour armer cette armée. Et il l'a jeté dans le giron entre les mains du prophète alayhi salatu wasalam. Le prophète alayhi salatu wasalam tournait cet argent à droite et à gauche. Il dit, plus rien ne fera de mal. Ce qu'aura fait après ça Uthman ibn Affan, ça ne lui fera aucun mal après aujourd'hui. Il l'a répété deux fois, cette expression. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Uthman ibn Affan. Et gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé عثمان بن عفان رضي الله عنه والله. عثمان بن عفان أخى الإسلام مثال في الجهاد في سبيل الله. عثمان بن عفان الآن دون موديل دون كومبا سور لو سونتي الله عز وجل أخى الإسلام. عثمان بن عفان أخى الإسلام كان من أعمدة الدولة الإسلامية فلم يدخل بمشورة أو مال أو رأي وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر فقد تخلف عنها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبقى بجوار زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اشتد بها المرض عند الخروج لغزوة بدر الكبرى رضي الله عن المجمعين. Uthman ibn Affan était l'un des piliers de l'État islamique à cette époque. Il n'a jamais été avare de sa concertation, ni de sa fortune, ni de son opinion. Il a vu toutes les batailles avec le messager alayhi salatu wasalam, sauf il était absent de la bataille de Badr par l'ordre du prophète alayhi salatu wasalam. C'est Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit « Reste là ». Parce que sa femme Ruqayya, qui était la fille du messager alayhi salatu wasalam, était gravement malade. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit reste. Au moment, et sa maladie a augmenté au moment où ils allaient sortir pour la bataille de Badr, la grande bataille. Fi sulh al-Hudaybiyya radiyallahu anhu wa arda, daraba Uthman ibn Affan mathalan aziman fi shaja'ati akhal islam. وذلك عندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية رأى من الضرورة إرسال مبعوث خاص من جانبه إلى قريش يبلغهم فيها نواياه السليمة بعدم الرغبة في القتال وبحرصه على احترام البيت ومن ثم أداء مناسك العمرة والعودة إلى المدينة. فوقع الاختيار في النهاية على عثمان رضي الله عنه وارضاه. Pendant, avant l'accomplissement du pacte de paix d'Al-Hudaybiyya, Uthman ibn Affan va nous donner un énorme exemple dans la bravure et dans le fait d'être au-devant et de ne pas s'absenter. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à l'Hudaybiyya, il a vu qu'il était partie des nécessités d'envoyer un messager à Quraysh, d'envoyer de sa part un messager à Quraysh pour leur annoncer ce qu'il est venu faire et ses intentions pures, et qu'il n'est pas venu pour faire la guerre ni pour combattre. Il est venu et qu'il tient à respecter la maison d'Allah. Il est lui sacré, et accomplir la Umra et revenir à Médine. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a vu personne apte à cette fonction pour aller voir Quraysh. Il a vu que la personne de Uthman ibn Affan, c'est elle qui était apte pour accomplir cet acte. Il pourrait être l'envoyé du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala à Quraysh. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه فقال له اذهب إلى قريش فأخبرهم أننا لم نأتي لقتال أحد، وإنما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته، معنا الهدي ننحره وننصرف. رسول الله عليه وسلم أبل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يدي بابواه قريش يانونس لور qu'on n'est pas venu pour combattre qui que ce soit. Nous sommes venus pour visiter la maison sacrée. Et nous respectons le sacré de cette maison. Et nous avons avec nous l'hadi que nous allons immoler et égorger pour Allah. Et nous allons repartir. فخرج عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه حتى أتى بلدح مكان قريب من مكة، فوجد قريشا هناك، فقالوا له أين تريد؟ عثمان بن عفان parti de l'Hudaybiyya et quand il est arrivé à un endroit proche de la Mecque qui est Baldah, il a trouvé Quraysh. Ils ont dit où tu veux, où tu vas, tu veux aller où? قال لهم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يدعوكم إلى الله وإلى الإسلام. فقالوا له قد سمعنا ما تقول، ولا كان هذا أبدا ولا دخلها علينا عنوة، فارجع إلى صاحبك فأخبره أنه لا يصل إلينا. Les Quraïchites qu'il a trouvé sur Abeldah lui ont dit où tu veux aller. Il leur a dit, le messager d'Allah m'a envoyé vers vous pour vous appeler à Allah et pour vous appeler à l'islam. Ils ont dit, nous avons entendu ce que tu as dit. Ne se fera jamais. Ce que tu dis n'arrivera jamais. Et il ne rentrera pas par force à la Mecque. Retourne vers ton compagnon et annonce-lui qu'il ne peut pas arriver vers nous. Il ne peut pas rentrer. فقام إليهم أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأجاره. Et Aban بن سعيد بن العاص s'est levé. Il a souhaité la bienvenue à Uthman bin Affan. Il l'a pris sous sa tutelle, sous sa protection. وقال لا تقصر عن حاجتك. Et il lui a dit, fais ce que tu dois faire. Je t'ai pris en protection. ثم نزل عن فرس كان عليه فحمل عثمان عليه وردفه وراءه فدخل عثمان مكة فأتى أشرافهم رجلا رجلا فقالوا له إن محمدا لا يدخلها علينا أبدا. Et Aban ibn Sa'id qui a pris Uthman ibn Affan sous sa protection, il est descendu de son cheval et il a fait monter derrière lui après Uthman ibn Affan derrière son cheval. Il est rentré avec à la Mecque. Uthman ibn Affan est allé voir les nobles de Quraysh un par un. Il leur a dit pourquoi il était là et pourquoi le messager l'a envoyé. Tous lui ont dit, il ne rentrera pas, jamais il ne rentrera ici. وعرض المشركون على عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت فأبى. Et les associateurs ont donné l'autorisation à Uthman ibn Affan de faire tawaf autour de la Kaaba, mais il a refusé. وقام عثمان رضي الله عنه وارضاه بتبليغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المستضعفين بمكة وبشرهم بقرب الفرج والمخرج، وتسربت شائعة إلى المسلمين مفادها أن عثمان قتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى مبايعتي على قتال المشركين ومناجزتهم، فاستجاب الصحابة وبايعوه على الموت. ذكره ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله، وذكره ابن هشام في السيرة رحم الله أئمة المسلمين. إيه عثمان بن عفان نيتو على مكة كيس كي لا في؟ Il a transmis la bonne nouvelle aux faibles de la Mecque parmi les musulmans. Il leur dit bientôt le soulagement, bientôt la délivrance. Et c'est propagé chez les musulmans là-bas à l'Hudaybiya que Uthman ibn Affan a été assassiné. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a appelé les compagnons pour faire l'allégeance, pour combattre les associateurs. Tous les compagnons ont répondu à l'appel du prophète, ils ont fait l'allégeance pour la mort. Ceci est rapporté par Ibn Abd al-Barr, le mémorisateur de l'Andalousie du Maghreb, dans le Tanhid, l'interprétation du Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et aussi rapporté dans la biographie d'Ibn Hisham, la biographie du messager, alayhi salatu wassalam. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadihi yadu Uthman. فضرب بها على يده صلى الله عليه وسلم وكان في وقت البيعة في مكة ولم يتمكن من الخروج منها وهذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له النبي صلى الله عليه وسلم regardez pris sa main droite il a tapé sur sa main gauche il a dit ça c'est l'allégeance de Uthman ibn Affan qui a fait l'allégeance à la place de Uthman ibn Affan Le messager d'Allah a fait l'allégeance hein, à la place de Uthman ibn Affan. Il a dit devant tous les compagnons, ça c'est pour Uthman. Il a levé sa main et il l'a mis sur l'autre main. Et Uthman ibn Affan n'était pas là. Il était toujours à la Mecque. Il n'a pas pu sortir de la Mecque à ce moment-là. Et ceci est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala أخبرنا في كتابه أنه قد روي عن أصحاب هذه البيعة. الله سبحانه وتعالى nous a annoncé dans le Coran qu'il a agréé les gens de cette allégeance. Hein? Et à votre avis, la main qui a fait l'allégeance de Uthman ibn Affan, il est laquelle? Hein? قال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala agréé les croyants quand ils t'ont fait l'allégeance sur l'arbre. Et qui a fait l'allégeance pour eux? Uthman radiallahu anhu arba. Sinon, l'intime d'Allah. Sinon, celui qui ne parle pas de ses propres passions. Hein? La personne qui est la plus aimée min Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala Jabir radiyallahu anhu wa ardah. Fima akhraj al-imam Bukhari wa al-imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Qala nara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-Hudaybiyya. Antum khayru ahli al-ard. Wa kunna alfan wa arba'u mi'ah. ولو كنت أبصر لأرأيتكم موضع الشجرة رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى جابر رضي الله عنه وارضاه comme il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le jour du pacte d'Al-Hudaybiyya nous a dit vous êtes les meilleurs de la terre les meilleurs de la terre faisaient partie d'eux les gens de l'Hudaybiyya le 29 ans Et ils étaient à cette époque 1400 hommes. Il disait, si je voyais qu'il avait perdu la vue, je vous aurais montré la place de l'arbre. Sur lequel a été fait quoi? L'allégeance. Uthman ibn Affan, mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, huwa anhu radin. Uthman ibn Affan, Le prophète alayhi salatu wassalam est mort, il était réjoui et content de lui. Lamma tu'ina Omar, رضي الله عنه وارضاه وعلم الصحابة أنه ميت قالوا له أوصي يا أمير المؤمنين استخلف قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن كنت عمر بن الخطاب a été poignardé par le Majusi Abi Lu'lu'a. On lui a demandé, ô prince des croyants, choisis un remplaçant. Il a dit, je ne vois personne qui est plus apte à prendre cette fonction que cette personne. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est mort, il était content d'eux et réjoui d'eux. Et il a cité Ali, Uthman, Zubayr, Talha, Saad et Abdurrahman. Radiyallahu anhum ajma'in. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il était content de Uthman ibn Affan. Arrivent les insensés du XXe siècle pour te dire sa khilafa est une faille entre eux. La khilafa d'Abu Bakr et d'Omar. Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est mort, il était content de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda. Wa qutila, radiyallahu anhu wa arda, shahidan kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akhbara bidalika Rasulullah. Il est mort, radiyallahu anhu wa arda, en étant martyr, comme l'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wa hada min mu'jizati al-Mustafa alayhi salatu wassalam. Et ceci fait partie du miracle du messager alayhi salatu wassalam. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته عن أمور غيبية ستقع في أمته ووقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ومن الأمور التي أخبر عنها فتنة مقتل ذي النورين رضي الله عنه وارضاه وأخبر أن عثمان بن عفان على الحق وأنه سيقتل ظلما وأمر المسلمين بأن يتبعوا عثمان بن عفان فهنا الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم annoncé des choses du domaine de l'invisible que الله سبحانه وتعالى lui a annoncé qui allait arriver dans sa communauté. Ils sont arrivés comme l'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie du miracle du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des choses que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncées et annoncées à la communauté. L'assassinat de Uthman ibn Affan et qu'il était sur la vérité au moment où il allait être assassiné. Et qu'il va être tué injustement. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le fait de le suivre, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda. Yaqulu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa arda. Kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ha'itin min hitan al-Madina. Faja'a rajulun fastaftah. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam iftah lahu wa bashirhu bil janna. Fafatahtu fa'idha huwa Abu Bakr. Thumma ja'a rajulun fastaftah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر رضي الله عنه ثم استفتح رجل فقال عليه الصلاة والسلام افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هو عثمان هذا الشاهد أخ الإسلام على بلوى تصيبه فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه dire j'étais avec le messager de Allah عز وجل dans une palmeraie clôturée c'est-à-dire une petite ferme à midi un homme est venu et demandé l'autorisation de rentrer Abu Moussa al-Ash'ari est allé voir le prophète, il a dit, tel a demandé de rentrer, il a dit, annonce-lui le paradis, laisse-le rentrer, annonce-lui le paradis. C'était Abu Bakr, radiyallahu anhu. Un deuxième homme est arrivé, il a fait la même chose, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ouvre-lui, laisse-le rentrer et annonce-lui le paradis. C'était Omar, radiyallahu anhu. Un troisième est arrivé, il a fait la même chose. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, annonce-lui le paradis, laisse-le rentrer, annonce-lui le paradis avec une épreuve qu'il va lui arriver. Une épreuve qu'il va subir. C'était Uthman. Et ça, c'est le témoignage de cette version. Et Abu Moussa al-Ash'ari de dire, je lui ai annoncé ce que m'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan a dit, louange à Allah. Et auprès d'Allah, je cherche l'aide. Allahul Musta'an. ويقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فمر رجل فقال صلى الله عليه وسلم يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما قال فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان وهذا في فضائل الصحابة لابن حنبل رحمه الله بإسناد حسن وعند وفي مسند الإمام أحمد كذلك اي عبد الله بن عمر يدير Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la fitna un jour. Il y a un homme est passé enturbané, c'est-à-dire on ne voit pas son visage. Et quand il est passé, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, celui-là il va être tué injustement. Abdullah ibn Omar de dire, j'ai regardé, c'était Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu arda. Ceci est rapporté dans les vertus des compagnons de Ibn Hanbal, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, comme il est rapporté dans son musnad aussi. ويقول كعب بن عجرة ولا بن عجرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوتبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن الترمذي. كعب بن عجرة de nous dire aussi الرسول صلى الله عليه وسلم leur a parlé de la fitna jusqu'à ce que la fitna il la sentait très proche d'eux. Et au même moment il leur parlait de la fitna qu'ils sentaient proche d'eux, un homme enturbané dont le visage est caché est passé. Il leur a dit celui-là qui passe. L'homme en turban est là, dont le visage est caché, celui-là, il sera sur la guidée. Il sera sur la bonne voie ce jour-là. Kab, non. Ajoura est allé, il l'a pris. Il a mis la main sur Othman. Il lui a dit à Rasulullah, celui-là, il lui a dit oui. Et le hadith, il a rapporté dans Sunan al-Tirmidhi. Et authentifié par Cheikh Nasr, rahimahullah ta'ala. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر أي كأنها قرون البقر قالوا نصنع ماذا يا نبي الله قال عليكم بهذا وأصحابه قال رجل فأسرعت حتى عطفت إلى الرجل فقلت هذا يا نبي الله قال صلى الله عليه وسلم هذا فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه والحديث صحه الإمام الألباني كذلك في موارد الظمآن والحديث كذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله أئمة المسلمين aussi un jour le messager d'Allah عز وجل comme il est rapporté par l'imam Ahmed et de Mawarid Dam'an où Cheikh Nasr l'a authentifié, dit à ses compagnons, comment vous allez faire le jour où une fitna va atteindre les deux bouts de la terre? Et la fitna va être comme les cornes de vaches qui vont être lancées de partout dans le ciel. C'est-à-dire, c'est une fitna énorme ce que ça veut dire. Ils lui ont dit, Rasulallah, comment on va faire dans ces cas-là? Ô prophète d'Allah, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur a dit, restez avec celui-là et ses compagnons. rester, et il a montré quelqu'un, rester avec celui-là et ses compagnons. Un homme s'est levé, il a dit, j'étais très rapide, j'étais vers l'homme, et je dis, celui-là, ya Rasulallah. Il a dit, oui, celui-là. Et c'était Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda. Le hadith, il ne s'authentifie pas. Cheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, dans Mu'al al-Dham'an. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا وقال اختلافا وفتنة فقال له قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالأمين وأصحابه وهو يشير إلى عثمان بذلك هذا كذلك في فضائل الصحابة L'imam Ahmad rahimahullah, bi isnad sahih. Abu Huraira, comme il est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission qui est solide, dit j'ai entendu le messager d'Allah Azza wa Jal dire vous allez vivre des fitna et vous arrivez des fitna et des divergences où il a dit il a mis la fitna avant la divergence et la divergence avant la fitna. Et un homme a dit qu'est-ce qu'on doit faire? Vers qui nous devons nous tourner dans ces cas-là? Et à Rasulallah, il a dit, il faut que vous soyez avec le digne et ses nobles compagnons. Le digne du dépôt, l'amin, et ses compagnons. Et il montrait quelqu'un, et c'était Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda. Ceci est rapporté par l'imam Ahmed dans les vertus des compagnons. Wa taqulu Aisha, radiyallahu anha, أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من آخر كلامه كلمة أن ضرب بين منكبيه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا هو الخلافة فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني قال له ثلاث وهذا في مسند الإمام أحمد وفي فضائل الصحابة للإمام أحمد بإسناد صحيح عائشة نودير كل رسول صلى الله عليه وسلم أنفويه كل يابل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاكم إلي غابورتي avec une chaîne de transmission authentique dans les vertus des compagnons de l'imam Ahmed et dans le musnad de l'imam Ahmed et parmi les dernières paroles Que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uthman, on lui tapant sur entre les épaules, lui a dit Ya Uthman, oh Uthman, Allah il va te t'habiller un kamis. Les hommes de science disent ce kamis, comme l'ont interprété les nobles compagnons, c'est la khilafa, d'être khalif de la communauté. Ici, les hypocrites veulent que tu enlèves ce kamis, ne l'enlève pas jusqu'à ce que tu me retrouves. Il lui a répété ceci. Trois fois. Ne l'enlève pas jusqu'à ce que tu me retrouves. Radiallahu anhu wa arda. Et ça, ça fait partie des miracles de ce messager, alayhi salatu wassalam. Ça prouve la véridique prophétie de ce messager, alayhi salatu wassalam. Wa taqulu Aisha, radiallahu anha, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ud'ouli ba'da ashabi, qultu Abu Bakr, qala la, qultu Uthman, qala na'am. فلما جاء قال تنحى فقال تنحي فجعل يصاره ولون عثمان يتغير فلما كان يوم الدار وحصر قلنا يا أمير المؤمنين ألا نقاتل قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر النفس عليه والحديث صححه الإمام الألباني في سنن دمشق يا عائشة بن أدير رضي الله عنها وأرضاها comme il a été authentifié par Cheikh Nasr رحمة الله عليه dans سنن دمشق appelez-moi les compagnons Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, appelez-moi mes compagnons. Aïcha lui a dit, on t'appelle Abu Bakr. Il a dit non. Après, il lui a dit, je t'appelle Uthman. Il a dit oui. Et quand il est arrivé, Il a dit à Aïcha, repousse-toi un petit peu, va au loin un peu. Il a commencé à parler, Rasulullah a commencé à parler en privé avec même le fan. Et le visage, la couleur du visage de Othman ibn Affan changeait au fur et à mesure que le prophète alayhissalam lui parlait. Et quand il est arrivé le jour de la fitna, le jour où les rebelles ont assiégé la maison de Othman ibn Affan, les compagnons ont dit à Rasulallah et au prince des croyants, on prend les armes pour eux. On prend les armes. Il leur a dit non. Rasoul m'a confié quelque chose, m'a dit quelque chose, et je vais patienter pour arriver à cette chose. Et je patiente pour arriver à cette chose. Et j'endure pour arriver à cette chose. Radiallahu anhu arda. Et il n'a pas voulu que les combattants, que les compagnons coulent leur sang, et que le sang soit coulé pour lui. Radiallahu anhu arda. Wa akhbarana al-Mustafa alayhi salatu wassalam. على فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام فكان عثمان رضي الله عنه وارضاه يعلم أنه سيقتل مظلوما وأنه هو ومن معه على الحق وأن الذين خرجوا عليه واستحلوا دمه من المنافقين كما جاء في الرواية في المسند وفي فضائل الصحابة الإمام أحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم nous a annoncé la mort de Uthman ibn Affan. Et ça fait partie des miracles de ce messager عليه الصلاة والسلام. Uthman ibn Affan savait qu'il allait être tué injustement et que lui et ceux qui sont avec lui sont sur la vérité. Et que ceux qui se sont révoltés contre lui et qui ont rendu licite son sang faisaient partie des hypocrites. Comme Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, décrit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad et dans Fada'il Sahara. وهاكم الآن الشبهات التي تمسك بها البغاة والظلمة فاستحلوا قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. Et voici maintenant les ambiguïtés auxquelles se sont attachés les rebelles et les injustes pour rendre licite le sang de عثمان بن عفان et le tuer. أولا نسبوا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه نسبوا إليه إثارة أقربائه بإسناد الولاية إليهم وعزل كبار الصحابة منها وتولية الأحداث منهم ومنحهم الأموال. La première des ambiguïtés à laquelle s'attachent les rebelles qui ont assassiné Uthman ibn Affan, c'est qu'ils disent que Uthman ibn Affan, les khilafas et les postes de l'État musulman, il le donnait à sa famille et à ses proches. Et il mettait de côté au placard les grands compagnons, radiallahu anhum wa ardahum. Et qu'il mettait à la tête des responsabilités des jeunes et qu'il leur donnait beaucoup d'argent. يقول العلماء أما قولهم أنه كان يعزل كبار الصحابة ويولي مكانهم من هو أدنى منهم مرتبة وفضلا من أقاربه مثل سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر وابن أبي سرح ومعاوية فرد علماء الأمة على ذلك من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن سيرة وفعل صاحبيه أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم. Quant à leurs ambiguïtés, quand ils disent qu'il a mis de côté, il a mis au placard les grands compagnons du prophète alayhi salam et qu'il a mis dans les postes importants ceux qui sont plus petits qu'eux et qui ont moins d'importance et moins de vertu parmi ses proches, comme Saïd ibn al-As, Abdullah ibn Amr, ibn Abi Sarh, Muawiya radiallahu anhu al-Jami', les hommes de science ont répliqué à cette ambiguïté à partir de la biographie des actes du messager alayhi salam et à partir des actes d'Abu Bakr et de Omar ridwanullah alayhim. Fa fi sahih anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walla Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa ardah qiyadat al-jaysh fi ghazwati dhat al-salasil wa kana fi jundi ذلك الجيش أبو بكر الصديق وهو من هو في الأمة وعمر بن الخطاب وهو من هو رضي الله عنه مجمعين فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها قال ثم من قال عمر بن الخطاب حتى عد رجالا لم يذكر فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. L'authentique, la première des choses avec laquelle répliquent les hommes de science à cette ambiguïté, comme quoi Uthman bin Affan a mis de côté les grands compagnons de Ridwanullah alayhim, dans l'authentique, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a mis à la tête de l'armée de Dhat Salasil la bataille des chênes. Amr ibn al-As, et parmi les ceux qui étaient au service et sous l'ordre d'Amr ibn al-As, Abu Bakr, et qui c'est Abu Bakr dans la communauté. Et sous ses ordres, il y avait Omar ibn al-Khattab, et qui c'est Omar ibn al-Khattab à l'islam. Et Amr ibn al-As a posé la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est la personne que tu aimes le plus. Il a dit, Aïcha. رضي الله عنه وارضاه. يا أخي الذي parmi les hommes, يدي أبو بكر الصديق, et puis عمر بن الخطاب. Il a cité un certain nombre de compagnons. Il a pas cité عمر بن العاص. Alors qu'il l'a mis à la tête d'une armée, et sous ses ordres, il y avait أبو بكر الصديق et عمر رضوان الله على الجميع. وقد ثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا ذر ولم يرغب أن يوليه لعلم أنه لا يستطيع أن يتحمل أعباء الإمارة وقال له يا أبا ذر أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم وهذا صححه الإمام الألباني في تعليقه على سنن الترمذي وابن ماجه وهو في سلسلة الصحيحة للشيخ رحمه الله تعالى ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الإمارة أبا ذر وله من الفضل ما له له فضائل كثيرة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه أي في حق أبي ذر رضي الله عنه وارضاه ما قلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر رضي الله عن أبي ذر وعن صحابة رسول الله وهذا هو الذي صحه الإمام الألباني في تعليقه على سنن الترمذي أما الأول فهو في عند الإمام مسلم إلى التغبطي الحديث اللي شيل الإمام مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أرجوتي لا إمارة أبو ذر إلى رفزي le fait de prendre comme émir ou comme responsable d'une troupe Abu Dhar. Car il ne pouvait pas, il n'avait pas les capacités d'être l'émir et de prendre cette responsabilité. Il lui a dit à Rasoul Salaam, « Ya Abu Dhar, je vois que tu es faible. Et j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. J'aime pour toi, Ya Abu Dhar, ce que j'aime pour moi-même. Ne sois pas l'émir de deux. » ni ne prend la responsabilité de l'argent des orphelins. Ceci est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a refusé de donner l'imam à Abu Dhar, alors qu'Abu Dhar a beaucoup de vertus. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est rapporté dans son intermédiaire authentifié par Sheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, en ce qui concerne Abu Dhar, il a dit, hein? Il n'y a pas quelqu'un de plus véridique qui a marché sur terre et qui était sous l'ombre des arbres qu'Abu Dhar. Pourtant, il n'a pas donné l'imara et la responsabilité. Mais il a dit, concernant Abou Dhar, il n'y a pas quelqu'un qui marche sur terre et qui s'abrite à l'ombre des arbres qui est plus véridique qu'Abou Dhar. Et ça prouve les vertus de ce noble compagnon. Et ça veut dire aussi qu'on choisit ceux qui sont capables pour le poste. Hein? Et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa sunna, il choisissait le meilleur homme pour le poste. Il mettait les hommes là où il convient qu'ils soient. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Wa qad aba as-siddiq radiyallahu anhu wa ardah an ya'zila Khalid ibn al-Walid ma'a ilhah Umar ibn al-Khattab alayhi bidalik. Wa kana yahtaj li'adam 'azlihi biquwwatihi wa maqdiratihi 'ala idarati al-juyush wa yaqul la ashyama sayfan sallahu Allah 'ala al-mushrikin. وهو يرى أن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من خالد ولكن ليست لهم كفاءته وقوته في قيادة الحروب. Et Abu Bakr Siddiq a refusé du fait de mettre de côté Khalid ibn al-Walid de la tête de l'armée, alors que Omar ibn al-Khattab insistait et prenait comme argument et comme preuve la puissance et la capacité de gérer l'armée et de faire la guerre de Khalid ibn al-Walid. Et il disait, pas quelqu'un qui dont l'épée est très forte sur les associateurs que Khalid ibn al-Walid. Alors que Abu Bakr Siddiq voyait que dans les compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam, il y avait des gens qui avaient plus de vertu que Khalid ibn al-Walid. Mais ils n'avaient pas les capacités pour gérer la guerre et pour gérer les soldats. Vous aussi que Abu Bakr Siddiq était sur la même sunna que le messager alayhi salatu wasalam, c'est qu'il gardait l'homme qui convient à la situation. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يولي الرجل ويترك من هو افضل منه من اهل السابقه والفضل في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا الى القوه في العمل والتبصر بالتدبير والسياسه وكان يقال له ما لك لا تولي الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول اني لاتحرج ان استعمل الرجل وانا اجد اقوى منه. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, après Abu Bakr Siddiq a agi de la même façon. Il mettait un homme à un poste et à une responsabilité alors qu'il y avait des gens qui avaient plus de vertu parmi les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam et qui étaient parmi les premiers qui ont accouru vers l'islam et qui ont tout sacrifié pour l'islam. Malgré tout ça, il mettait d'autres qui avaient moins de vertu qu'eux, qui avaient des vertus mais qui avaient moins de vertu que ces hommes-là. Hein? Il les mettait parce qu'il regardait la force du travail et la capacité de gérer le poste et la clairvoyance de la personne dans le fait de gérer et de faire la politique et de gérer les gens et les communautés et l'économie, etc. Et on lui disait, radiallahu anhu arda, comme il est rapporté chez Ibn Sa'd dans Tabaqat al-Kubra, pourquoi tu laisses de côté, tu ne donnes pas de responsabilité aux nobles, aux grands compagnons? Et je me sens gêné de mettre un homme à une place alors que je vois quelqu'un qui a plus de capacité pour ce poste. Il était gêné pourquoi? Pour ne pas mettre l'homme qui convient au poste. C'est pour ça qu'il était gêné. Radiallahu anhu arda. Et donc on voit qu'il était sûr. La même ligne dans l'utilisation des hommes, dans les responsabilités, qu'Abou Bakr, que le messager alayhi salatu wasalam. Ce qu'on reproche à Uthman ibn Affan, radiallahu anhu wa arda, wa kana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa khulafa'uhu min ba'dihi, awwal man akhada bima'da, at-taqi ad-da'if lahu tuqa, wa lil khalifati da'fuhu. والقوي الفاجر للخليفة قوته وفجوره على نفسه لأن التقي الضعيف تقواه لنفسه وضعفه للمسلمين والقوي الفاجر فجوره لنفسه وقوته للمسلمين ذكر هذا إمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في السياسة الشرعية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه de nous dire dans la politique légiférée le messager d'Allah et les khalifes après lui ont pris le principe du fait que celui qui, le faible qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour lui. Et sa faiblesse va être pour les musulmans s'il est dans un poste. Et le fort, hein, qui n'a pas, qui n'est pas, qui, hein, qui dépasse, qui tombe dans des péchés, etc., sa force va être pour la khilafa et pour le khalif, il va renforcer le pouvoir. Mais quant à sa perversité, il est pour lui. Celui qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est faible, ça va être pour lui. Et celui-là, s'il est utilisé dans un poste, il va faiblir l'État. Hein? Quant à ça, le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne le dépasse pas. C'est pour lui. Il en aura la récompense. Et il accomplit ce qu'il doit accomplir. Quant au fort qui il tombe, il fait des péchés, etc., ses péchés sont pour lui, il doit en répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sa puissance dans le fait de gérer l'État, de gérer les situations, l'économie, etc., va être pour la communauté. Hein? Et Uthman ibn Affan n'a fait que suivre la sunna du messager alayhi salatu salam, ainsi que la sunna d'Abou Bakr, qui est la sunna du messager alayhi salatu salam, et Omar a fait de même. Et Uthman les a suivis, radiallahu anhu wa arda. Wa fi dhill hadha wa hadhihi as-sira sara Uthman ibn Affan radiallahu anhu wa arda. Wa idha kanat hadhihi siyasatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kama yaqulu ahlul ilm wa siyasatu ash-shaykhani min ba'dihi wa qad ittafaqat al-ummah ala annaha ahkamu siyasa wa aqwamuha fa yu'aybun al-haqq bi Uthman ibn Affan radiallahu anhu wa arda في أن يسير على نهجها. أليس له أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس له أسوة في صاحبي أبي بكر وعمر؟ وهو القائل في مستهل خلافته: أما بعد إني متبع ولست بمبتدع. وهذا رواه الطبري رحمه الله تعالى في تاريخ الرسل. يا رب دو سيت فوا إتي عثمان بن عفان رضي الله عنه. Ainsi était la politique du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le rapporte Tabari dans l'histoire des messagers. Ainsi était la politique du messager d'Allah et la politique des deux cheikhs qui sont Abu Bakr et Omar. Après le messager d'Allah. Et la communauté est à l'unanimité sur le fait que cette voie-là dans la politique est la voie de la sagesse. Et la voie la plus importante. Pourquoi? Hein? Quel défaut il a Uthman ibn Affan à suivre la voie du messager et la voie de ses nobles compagnons? Alors qu'il a dit, au moment où il allait prendre la khilafa, et après, je suis quelqu'un qui suit, je ne suis pas un innovateur. Radiallahu anhu Allah. Oui, mais son défaut, donc l'ambiguïté des rebelles tombe quand on lit une lecture objective. Et quand on lit la biographie du messager d'Allah et la biographie des deux khalifas, comme l'ont lu et comme l'ont interprété nos puiseurs d'Allah alayhim, leurs ambiguïtés tombent l'une après l'autre. Awala isali Uthman ibn Affan min huquq al-khilafati wal-imamati al-udhma mitla ma kana li sahibayh Abi Bakr wa Umar wa man alladhi yabqa lahu من معنى السلطان إذا حجر عليه عزل أمير وتولية آخر وتوليه آخر مراعاة للمصلحة التي يجتهد فيها الخليفة ولا يفقهها الدهماء من الناس. Est-ce que Uthman ibn Affan n'a pas les mêmes droits? Uthman ibn Affan a les mêmes droits de la khilafa que les deux cheikhs. Et de la il a grandi imama. Comme il l'avait Abu Bakr et Uthman et Omar. elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs aussi. Si on lui enlève le fait d'enlever un émir et de mettre un autre qu'il considère mieux que lui, et on lui enlève cette fonction-là, qu'est-ce qui lui reste du fait de gérer son état? Hein? Parce qu'il voit un intérêt et un bien dans le fait d'enlever cette personne, de mettre à sa place un autre. Hein? Et ça, c'est une situation où le khalifa a le droit à l'effort d'interprétation. Il estime que celui-là n'est pas bon à ce poste-là, il l'enlève, il met quelqu'un qui est mieux que lui pour ce poste. Et ceci, le commun ne peut pas le comprendre. Le commun des musulmans ne peut pas le comprendre. إذا كان الأمر كذلك ظهرت لنا حجة عثمان بن عفان فعثمان يقول إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم في حياته واستعملهم بعده من لا يتهم فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وعمر رضي الله عنه وارضاه ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بنو أمية لأنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف وهذا رواه ابن تيمية في المنهاج رحمه الله تعالى Et partant de là, il apparaît clairement la preuve de Uthman ibn Affan d'avoir utilisé Banu Umayya. Hein? Uthman disait, radiyallahu anhu arda, que Banu Umayya, le prophète alayhi salatu wassalam les utilisait comme ses représentants durant sa vie. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et Abu Bakr et Uthman et Omar ont fait de même. Alors que personne ne l'a reproché ni à Abu Bakr, ni à Uthman, ni à Omar. Pourquoi le reprocher à Uthman, radiallahu anhu? Et il dit qu'on ne connaît pas une tribu parmi les tribus de Quraysh dans laquelle il y a plus de représentants des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala sur d'autres régions que Banu Umayya. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nobles. Et parce qu'ils avaient la capacité de gérer et de faire la politique, et de gérer les situations. Amma shubhatuhum annahu kana yasta'milu al-sighar wal-ahdath wa yatruku al-kibar fa kana li'Uthman رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لغزو الروم في آخر حياته واستعمل عليه أسامة بن زيد وسنه دون العشرين وكان في جنده كبار الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وهذا في سيرة ابن هشام Quand le fait qu'on lui reproche qu'il a utilisé à la tête de la communauté à la tête de certaines régions, les jeunes, et qu'il a laissé de côté les grands compagnons, Uthman ibn Affan, il avait un noble exemple dans les actes du messager alayhi salatu wassalam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a préparé une armée pour le combat des Romains à la fin de sa vie. Et il a mis à la tête de cette, le commandant de cette armée était Oussama ibn Zayd. Il n'avait pas encore atteint l'âge de 20 ans. Alors qu'en de cette armée se trouvaient Abu Bakr et Omar radiallahu anhu ardaum. Et qui sont Abu Bakr et Omar dans la communauté? Ceci est dans la biographie de Ibn Hisham, rahimahullah ta'ala. Wa indama tufiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tamassak as-siddiq binfadi hadha al-jaysh. Lakin ba'd as-sahaba raghibu fi taghyir Usama biqa'id asanna minhu. فكلموا عمر في ذلك ليكلم أبو بكر فغضب أبو بكر لما سمع هذه المقالة وقال لعمر يا عمر استعمله رسول الله وتأمرني أن أعزله رواه ابن كثير في البداية والنهاية دول الاتباع والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعد وفاته يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مور أبو بكر سيمانتوني à cette armée et à la tête de cette armée qui Oussama. Certains compagnons auraient aimé que Abu Bakr change le commandant Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu arda. Ils sont allés parler à Omar ibn Khattab pour qu'il en parle à Abu Bakr Siddiq. Quand Abu Bakr Siddiq a entendu la parole de Omar ibn Khattab, il lui a dit, oh Omar, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a mis à la tête de l'armée et tu veux que je l'enlève? Et tu m'ordonnes de l'enlever? Regardez le respect du messager alayhi salatu wa sallam. Il le suivi du messager alayhi salatu wa sallam, même après sa mort, radiallahu anhu wa ardahum. ويقول علي رضي الله عنه وارضاه ولم يولي أي عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه إلا رجلا سويا عدلا وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن 20 سنة ابن كثير في البداية والنهاية يعني رضي الله عنه وارضاه ننديكم إلى غابورتي با ابن كثير رحمه الله تعالى كعثمان بن عفان n'a mis à la tête des responsabilités que des gens qui étaient dignes et qui étaient droits. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte aussi que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a mis comme gouverneur de la Mecque Attab ibn Usayd alors qu'il était âgé de 20 ans seulement. Wa khulasatul qawl anna aqarib Uthman ibn Affan قد تقلد أغلبهم مهام الولاية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكانوا أهل نجدة وكفاية وبصر بالإمارة وقدرة عليها فلا يعتد بكلام هؤلاء أهل الأهواء إذ الكلام في الناس ينبغي أن يقوم على ميزان التثبت والعدل. Et le résumé de la parole concernant cette ambiguïté, c'est que les proches de Uthman ibn Affan, de Banu Umayya radiallahu anhu arda, la majorité que ceux qu'a utilisé Uthman ibn Affan, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une responsabilité. Et Abu Bakr leur a donné une responsabilité. Et Omar leur a donné une responsabilité. Et ils étaient dignes de la responsabilité qui leur a été confiée à l'époque du prophète alayhi salatu salam et à l'époque des deux grands khalifs, Abu Bakr et Omar. Et ils avaient de la clairvoyance dans le fait de gérer l'État et de gérer les responsabilités et l'économie, etc. On ne doit pas prendre en considération les paroles des gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion. Car le fait de parler sur les gens a besoin de justice et d'être sûr de ce qu'on avance. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَنَّ بِأَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَمْلَحُ أَقَالِبَهُ الْمَالِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ كَمَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ سِيرَتَهُ رضي الله عنه وأرضاه في أقاربه ودويه تمثل جانبا من جوانب الإسلام الكريمة الرحيمة لقوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقوله تعالى وآت القربى حقه والمسكين وابن السبيل. Quant au fait qu'ils disent qu'ils donnaient de l'argent à ses proches, les hommes de science disent que dans la biographie de Uthman ibn Affan représente un côté de la noble clémence qu'il y a dans l'islam et la générosité qu'il y a dans l'islam. Parce qu'il mettait en application ce verset. Je ne vous demande pas de récompense, mais je le fais pour le lien familial et la liaison que j'ai avec vous et pour la fraternité et l'amour. Et dans l'autre verset, il est dit, donne aux proches son droit, ainsi que nécessiteux et ainsi qu'aux voyageurs. كذلك سيرة عثمان بن عفان تمثل جانبا عمليا من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس ما لم يعطي أحدا عندما ورد عليه مال البحرين وهذا رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Aussi les actes que faisait le fait de combler et de donner aux nécessiteurs parmi sa famille, de combler ses proches avec des biens, ceci représente l'un des actes. Le fait de suivre le messager d'Allah Azza wa Jalla, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné à son oncle Abbas qu'il n'a donné à personne le jour où l'argent de Bahreïn est arrivé, comme il est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc, il a un exemple qui, le messager d'Allah ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولى عليا وهو ابن عمه وصهره ولعثمان وسائر المؤمنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة. الرسول صلى الله عليه وسلم أبخي كم إمير علي رضي الله عنه وارضاه et comme représentant. Et il l'a envoyé alors que Ali, c'est le fils de son oncle, et c'est son gendre aussi. Et Uthman, et tous les autres croyants, ont le noble exemple. Et l'exemple à suivre dans le messager, alayhi sallatu salam. Yaqul ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, wa ghafara lah, wa qad kana Uthman, radiyallahu anhu, karim al-akhlaq, dha haya'in, katil, wa karamin ghazir, يؤتل أهله وأقاربه في الله تأليفا لقلوبهم من متاع الدنيا الفاني لعله يرغبهم في ثار ما يبقى على ما يفنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما ويدع آخرين إلى ما جعل في قلوبهم من الهدى والإيمان وقد تعنت عليه رضي الله عنه بسبب هذه الخصلة أقوام كما تعنت بعض الخوارج على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيطار. يقول ابن كثير دون دير دون البداية والنهاية عثمان بن عفان était d'un noble caractère, d'un noble comportement et il avait beaucoup de pudeur et il était très généreux et il donnait beaucoup, il mettait en avance les besoins de ses proches pour rallier leur cœur et pour essayer de débarrasser leur cœur, de les aider à débarrasser leur cœur de ce bas monde. Essayer de les inciter à délaisser ce bas monde pour le delà. Comme faisait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand il donnait à certaines personnes, il laissait certaines parce qu'il avait beaucoup de foi. Et leur foi était complète. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les délaissait, il donnait à d'autres pour augmenter leur foi et pour les rapprocher. Et certains ont reproché ce qu'il a fait Uthman à Uthman radiallahu anhu, ont reproché cette vertu à Uthman ibn Affan radiallahu anhu, comme l'a fait celui qu'il a reproché à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est de le roi Israël, quand il lui a dit « Sois juste, ce partage n'a pas été voulu avec le visage d'Allah. » Si Hada, leur grand-père, leur premier grand-père, n'a pas eu de respect avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous voulez après, pour ceux qui vont venir après? وكان عثمان قبل أن يلي الخلافة شديد البر بقرابته كثير البدل لهم وللمسلمين حتى قال ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه وأنا يومئذ شحيح حريص أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي وفني عمري ودعت الذي لي من أهلي قال الملحدون ما قال رواه الطبري في تاريخ الرسول. عثمان بن عفان avant qu'il soit calife, il donnait beaucoup à ses proches et aux musulmans aussi. C'est ce qu'il dit رضي الله عنه وارضاه. Je donnais la grande donation de ma propre fortune à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام et à l'époque de Omar et à l'époque de Uthman, d'Abu Bakr et de Omar. Alors que je tenais à l'argent pour le dépenser sur le sultan. Malgré tout ça, il le donnait. Quand maintenant mes proches sont arrivés à un certain âge, etc., et que je donne à mes proches, et que je suis vers la fin de ma vie, et que certains de ma famille sont morts, etc., et que je suis en train de faire mes adieux à ma famille, et ceux qui ont dividi ce qu'ils disent, c'est-à-dire ils lui reprochent le fait de donner à ses proches. Donc on voit que cette ambiguïté, elle est nulle, elle est non avenante, et que pour cela, il faut revenir au noble compagnon pour comprendre ces ambiguïtés auxquelles s'attachent les rebelles. On arrête là, Inch'Allah. Le sujet n'est pas terminé, il y a encore une autre séance, on verra, Inch'Allah, sur l'un des salons de notre frère Abu Khadija ou ailleurs, pour terminer la dernière partie de ce résumé de la biographie de ce noble homme qui est Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu warḍah wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum jazakumullahu khairan. J'ai juste une annonce avant d'aller Une annonce, vous connaissez la maison des hadiths du Tikiwin, là où il y a eu l'organisation du séminaire avec Cheikh Barmzan et Cheikh Suhaimi, l'année dernière, au mois de Agadir. Hein? Vos frères dans cette région-là, ils ont besoin de votre aide pour ouvrir une école. Hein? Et pour financer aussi la prochaine Daura qui va avoir lieu. Et cette fois-ci, il y a trois grandes personnes, je n'ai pas le droit de prononcer les noms, trois grandes personnes qui vont être là pour la Daura qui va se passer, Inch'Allah, début du mois de juillet. Donc, il y a une personne qui s'appelle Abu Zainab. Est-ce qu'il est là? C'est la personne, la responsable, m'ont dit que c'est lui vers lequel on oriente les aides. Je ne connais pas la personne, mais les responsables de l'association de Dar al-Hadith ont confiance en lui. Donc celui qui peut les aider, Inch'Allah, si la personne se manifeste, bah, ses coordonnées seront sur le site de notre frère Abu Khadija, Da'o Messenger, Inch'Allah. Celui qui peut aider, bah, qu'il aide. Comme la SEM a besoin de votre aide pour organiser, pour avoir son centre, etc. Là où vous pouvez faire quelque chose, faites-le comme l'ont fait les compagnons de Allah. Hein? Et la da'wa de la vérité a besoin encore plus de vous, du sacrifice. Imaginez, les innovateurs, combien ils dépensent pour leurs innovations? Les globetrotters, ce qu'ils font, les globetrotters, ça. Hein? Comme disent les aveugles, j'ai un séminaire à Birmingham et on veut parler d'établir, celui qui faisait la traduction, il tirait sur le sac à dos. Hein? Globetrotters. Combien ils dépensent pour les billets d'avion pour aller au Pakistan? Pourquoi pour l'innovation? Et nous, qui sommes les gens, Inch'Allah, de la vérité, qui se cramponnent à la vérité, qui se cramponnent à la voie de l'épuisé, nous devons encore plus de faire de sacrifices pour cette da'wah et pour véhiculer cette da'wah. Et il ne faut pas qu'on ait des oursins dans la poche quand il s'agit de dépenser pour la da'wah salafia. Il faut être généreux pour cette da'wah. Et se dire que peut-être par ce moyen, en aidant l'association de Saint-Étienne et d'autres associations qui sont sur la bonne voie et qui prêchent et qui utilisent tous les moyens pour prêcher la voie salafie, dire que ça, c'est peut-être un moyen qui va nous permettre que Allah subhanahu wa ta'ala le facilite le chemin de l'hijra ou nous facilite le bien là où il est. Ne soyez pas, ne faites pas avoir par shaitan. Soyez généreux quand il faut dépenser pour la vérité. Hein? Et ce n'est pas un exemple à suivre. Mais je le dis tout simplement pour voir les gens de faux jusqu'à ce qu'ils font. La terre de Cham, c'est une terre où il y a peu de choses. Les juifs ne quittent-ils pas les lieux de confort du Canada, etc. pour le faux. Pour le faux, pour des croyances fausses. Et nous qui sommes sur la vérité, nous ne devons pas dépenser encore plus. Hein? Et nous avons l'exemple, c'est pas en eux, nous avons l'exemple en le messager d'Allah et en le noble compagnon, comme vous l'avez vu ce qu'il a fait avec Ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu wa'arda. Et je me suis trop attardé, frère Abu Khadija est en colère, donc on va réfléchir un petit peu avec un verre d'eau. Et la parole est à notre frère Sidati qui est revenu nous rendre visite, Inch'Allah qu'il arrive. Ne partez pas, restez là, il y a le frère Sidati qui arrive, Inch'Allah. Le frère Sedati va vous faire un petit rappel. À lui la parole, Inch'Allah. Pour ceux qui peuvent rester, restez. Et donc, essayez de patienter avec nous dans le club.